Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Ronald Reagan, le président Teflon. A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours. And recovery is when Jimmy Carter loses his. Ronald Reagan, en pleine campagne présidentielle en septembre 80, c'est le lancement de sa campagne, le lancement officiel de sa campagne, ce discours. Reagan, le futur président, Reagan, l'ex-acteur d'Hollywood, l'ancien gouverneur de la Californie, Ronald Reagan qui manie si bien le verbe. Son discours est simple, imagé, efficace. On est en récession quand son voisin perd son emploi. On est en dépression quand on perd son propre emploi. Et la reprise est arrivée quand Jimmy Carter perd le sien, dira Reagan dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il a le sens de la formule, Ronald Reagan. Pour revenir sur la présidence de Ronald Reagan, l'historien et collaborateur à Aujourd'hui l'Histoire, André Champagne. André, bonsoir. Bonsoir, Jacques. C'est vrai qu'il manie les mots merveilleusement. L'exemple que vous venez de citer, imaginez-le, il est au New Jersey, devant la Statue de la Liberté, devant un public de travailleurs manuels blancs qui, beaucoup, ont perdu leur emploi. Et c'est la façon dont il lance sa campagne présidentielle. Parce que Reagan, vous l'avez très bien dit tantôt, le grand communicateur, c'était d'abord et avant tout sa force. Oui. C'est ça, Ronald Reagan. L'ancien acteur qui est parti de nulle part. Parce que Ronald Reagan, bon, il est né en 1911. Son père était un vendeur de souliers itinérant. Il devra attendre l'âge de 9 ans pour vraiment que la famille Reagan s'installe vraiment dans une petite ville, Dixon, en Illinois. Et assez rapidement, il se rend compte, à l'école primaire, puis surtout à l'école secondaire, qu'il a un talent pour la communication, qu'il a une belle voix. Il participe à des pièces de théâtre. Il développe un intérêt pour le théâtre. Il développe également un intérêt pour la politique. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment à la fin des années 20, début des années 30. Il va être élu à un moment donné à l'école. Là. À l'école, oui, il est président de sa classe. Voilà. Et à l'école, tenez-vous bien, il sera un maître nageur. Il va jouer sur l'équipe de football. Il va jouer au basketball, troupe de théâtre. C'est un beau jeune homme. Qui a déjà énormément de charisme, mais qui s'interroge beaucoup sur le monde dans lequel il vit. C'est ça, Ronald Reagan. C'est quelqu'un qui va développer une certaine conscience de la réalité socio-économique américaine très jeune, et ça va l'interpeller, même s'il ne s'en rend pas immédiatement compte. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment se distinguer par le théâtre. Pourquoi? Parce que au début de l'adolescence, il a lu un roman populaire qui relatait l'histoire d'un jeune garçon de famille très pauvre qui a réussi à s'en sortir grâce à ses talents oratoires, grâce à ses talents d'acteur de théâtre. Et il dit à sa mère: c'est mon modèle, j'aimerais devenir ce que ce jeune homme-là est devenu. Ouais. Et il va le devenir, il va faire un petit détour parce qu'effectivement, Reagan à l'école, très jeune, c'est le beau gosse, c'est le sportif, c'est l'acteur amateur, c'est le jeune qui s'intéresse à la politique. Il va faire un petit détour par la radio, il va décrire il va être journaliste sportif, annonceur sportif. Puis, et tenez-vous bien, il est engagé dans une radio à Des Moines, en janvier 1933, puis là on est au pire de la crise économique aux États-Unis, et il se présente à la station de radio, et là le directeur de la station lui dit: ben, il est trop tard, on a fini les auditions hier. Et puis Reagan lui dit: ah ben c'est dommage. Il dit: moi je suis un ancien joueur de football, je suis un maître nageur, j'en mange du sport. Alors le gars il dit: ok, c'est correct, on va te donner. Alors décris-moi comme ça la brûle pour point un match de football. Alors Reagan improvise et décrit en l'espace de 10 minutes l'action qui se passe pendant un match de football. Et le directeur de la radio est tellement impressionnant qu'il lui donne un emploi. Et c'est ce qu'il va faire pendant 4 ans. Il va décrire, entre autres, les matchs des Cubs de Chicago. Mais tenez-vous bien, il ne voit pas les matchs. Il est tout simplement, c'est sur le fil télégraphique. On lui dit qui est au bâton, qui est le lanceur, quel est le compte et tout. Et lui, à partir uniquement de ce qu'il voit sur cette espèce de scripteur, il raconte le match tel que lui l'imagine, tel que lui il le voit. Et il devient carrément une vedette de la radio. Et en 1937, il se dit: pourquoi pas aller auditionner à Hollywood? Et il prend sa chance d'aller à Hollywood. Il est engagé assez immédiatement. Il va faire une carrière. Quand même, il va faire 50 films. Oui, surtout des films de série B. Oui, mais quand même, 50 films. Il est dans ce grand système hollywoodien. Ça commence à sentir le roussi. Sa carrière périclite un peu. Puis il revient à ses premières amours. Donc, cette fibre politique. Oui. Comment ça se passe, André? Mais comment ça se passe? Attention, ce qu'il faut voir, c'est que oui, bon, c'est pas un grand acteur. Mais c'est un acteur qui est quand même très populaire aux États-Unis. Et et ce qui va se produire, c'est qu'il va devenir le président de la guilde des acteurs. Au moment où dans l'industrie du cinéma américain, il y a des réalisateurs, il y a des scripteurs qui sont fascinés par le communisme, qui sont séduits par le communisme. C'est le McCarthyisme. Et qui vont évidemment éveiller les soupçons du gouvernement américain et plus particulièrement du sénateur John McCarthy. Et lui, ce qui l'amène à s'intéresser vraiment à la question, politique, c'est d'une part, il réalise que les syndicats qui sont noyautés par le Parti communiste américain utilisent des tactiques assez brutales, assez violentes. Et lui, évidemment, il va devenir un indicateur pour le FBI et il va dénoncer au FBI les gens qui, dans les syndicats communistes, plus particulièrement les syndicats qui s'occupent là, de la fabrication des décors, il va les dénoncer et il va être d'accord avec la fameuse liste noire qui fait que 10 scripteurs perdent leur emploi. Ouais. Et il va même recevoir des menaces physiques. Il va recevoir un appel chez lui. On va lui dire, Ronald Reagan, on sait que t'es un indicateur. Fais attention parce qu'on va te jeter de l'acide à batterie au visage. Il va devenir, donc, d'ailleurs, il l'est déjà, puis ça va le suivre toute sa carrière, un farouche anticommuniste. Oui, entre autres pour cette raison-là. Mais également, pourquoi adhère-t-il encore plus aux idées conservatrices? C'est que Ronald Reagan... Juste un aparté, quand même, André, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais on ne parlera pas dans cette émission-ci énormément de ce côté anticommuniste. On va le faire dans une deuxième émission, parce que là, on est dans la politique intérieure aux États-Unis. Donc, ça va le conduire, cet anticommunisme, à ce conservatisme. Oui, à ce conservatisme. Et une des raisons pour lesquelles il devient vraiment un partisan des idées conservatrices, c'est que Ronald Reagan, au moment où il est acteur, 91% de ses cachets vont à l'impôt. Parce que aux États-Unis, à partir du New Deal de Roosevelt et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a surtaxé les hauts revenus, les corporations. Et Reagan était parmi les acteurs les mieux payés et 91% de ses cachets allaient à l'impôt. Alors ça peut expliquer en partie sa volonté de s'en prendre à l'État parce que pour lui, c'est clair, il va le dire à partir de ce moment-là, l'État, ce n'est pas la solution, l'État, c'est le problème. Et l'État est trop gros. Oui, trop gros, exactement. Ouais. Il s'oppose à ce qu'il appelle « the big government », issu des réformes du New Deal. Ouais. Il va donc s'engager, il y a un discours célèbre, les gens vont le repérer, puis il va devenir, ça va le mener au poste de gouverneur. Il sera élu gouverneur de l'État de la Californie. Là, vous parlez du discours qu'il a prononcé le 27 octobre 1964 pour essayer de relancer la campagne du candidat républicain Barry Goldwater qui affrontait Lyndon Johnson qui avait succédé à Kennedy. Sa campagne battait de l'aile et on connaissait les talents de communicateur de Reagan. Pourquoi? Parce que depuis 1954, au moment où sa carrière cinématographique vraiment s'effondre, il devient le porte-parole officiel de General Electric. Et il va faire ça pendant quelques années et il va faire le tour des États-Unis pour présenter le General Electric Theater. C'était une émission qui passait à CBS le dimanche soir. Et en fricotant avec les gens, avec la direction de General Electric, ça va confirmer ses idées conservatrices parce que ces gens-là vont lui dire toutes les entraves que le gouvernement fédéral met dans la gestion de leur entreprise. Donc, ça confirme ses idées conservatrices. Et en 64, évidemment, on sait à quel point il est habile pour parler au public américain. Ouais. Et là, l'organisation du Parti républicain l'invite à faire ce discours-là, qui va être un discours vraiment... C'est le point tournant de sa carrière. À partir de ce moment-là, c'est clair que Reagan... C'est un peu comme Obama en 2000... Rappelez-vous Obama en 2004, quand il avait fait un discours important à la Convention démocrate. Les gens s'étaient dit « Ah, quel orateur extraordinaire! » C'est le même phénomène qui s'est produit en 1964. On découvre, les stratèges républicains découvrent un orateur extraordinaire, tant et si bien que deux ans plus tard, on lui demande de faire la course pour être élu gouverneur de la Californie. Il sera gouverneur deux mandats? Deux mandats. Avec quel bilan, André? Avec un bilan plutôt mitigé, entre autres parce que lors de son premier mandat, il a accepté une loi sur l'avortement en Californie et il dira que c'est la plus grave erreur politique de sa carrière. Le conservateur, Reagan, qui accepte ça. Mais il faut dire que, attendez, il faut faire des nuances ici. C'est que l'État de la Californie, c'est un État quand même assez libéral. Ouais. Le Congrès de l'État, la Chambre et le Sénat étaient contrôlés par les démocrates. Et puis, c'était un conservateur, mais c'était pas un conservateur vraiment droite chrétienne. Pas à ce moment-là. Mm-hmm. Il va le devenir, mais pas à ce moment-là. Et ce qui va vraiment marquer sa présence comme gouverneur, c'est les affrontements avec les étudiants de Berkeley. Parce qu'en 1969, les étudiants font la grève, les profs font la grève. Alors lui, il réagit en faisant occuper l'université de Berkeley pendant 13 jours par la garde nationale. Et il va confronter les étudiants. Et à partir du moment où il confronte les étudiants, il confronte les hippies, il confronte vraiment tout cet esprit des années 60, ça renforce sa réputation dans le camp conservateur. Et là, c'est vraiment la machine, les stratèges républicains qui se disent c'est l'homme qu'il nous faut pour la présidence. Ouais. Donc, il va tenter à deux reprises, mais en 68 et en 76. Mais en 76, c'est assez amusant, parce qu'en 76, le président sortant, c'est Gerald Ford qui a succédé à Nixon, mm-hmm, suite à l'affaire du Watergate. Ford n'est pas vraiment populaire et Reagan décide de faire la campagne des primaires. Les premières élections, c'est désastreux, mais au fur et à mesure que la campagne évolue, il devient de plus en plus populaire. Et lors de la convention, on lui fait une acclamation, mais alors là, incroyable. Et il y a beaucoup de gens sur le plancher de la convention qui se disent on n'a pas choisi le bon gars. Et les résultats, Carter est élu. Ouais. Ça va marcher, mais ça va marcher 4 ans plus tard, en 80. Vous parliez de la question de l'avortement en Californie, du fait qu'à ce moment-là, il n'est pas encore vraiment conservateur comme il va le devenir. Écoutez l'extrait qui suit. La réaction de deux journalistes, des grosses pointures aux États-Unis, Mercy Gordon et Joel Attinger, qui réagissent donc à l'élection de Reagan en novembre 80 et qui sont très inquiètes, ces deux femmes, de ce qui les attend comme femmes. L'élection de M. Reagan représente un recul considérable pour les femmes. Il y a un consensus parmi les femmes ici que c'est vraiment un recul vers l'âge de la pierre dans certains sens. Et je crois que les femmes peuvent s'attendre à 4 ans de retard, si vous voulez, dans certains mouvements pour certainement l'égalité. Et on peut s'attendre sur le plan de l'avortement, qui est quand même un des sujets les plus vifs, si vous voulez, dans la politique américaine, un recul certain. Alors, André Champagne, au final, qu'est-ce que ça donnera, la présidence de Reagan, sur la question des femmes? Somme toute, une espèce de statu quo. Pourquoi? Parce que il n'attaquera pas le dossier de l'avortement, à la plus grande déception de la droite chrétienne, qui est la fameuse moral majority de Jerry Falwell. Ils seront très déçus. Il n'osera pas toucher à ça. Sauf que c'est sous sa présidence que l'Equal Rights Amendment, qui avait été voté en 1972, n'a pas été ratifié. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les deux tiers des États le ratifient. Donc, comme les deux tiers des États ne l'ont pas ratifié, le Equal Rights Amendment est tombé à l'eau. Qui dit quoi, en gros? C'est-à-dire, c'était l'égalité salariale homme-femme. D'accord. Et ça, ce n'est pas passé. D'ailleurs, c'est toujours pas passé aux États-Unis, ouais. Puis nous sommes en 2015. Alors, donc, c'est pas vraiment étonnant. Mais il s'en est pas du tout pris aux femmes. Mm-hmm. Pour lui, c'est clair, son mandat, c'était pour s'attaquer à ce qu'il appelait le big government. C'est ça. Il voulait réduire la taille, ouais, de l'État, il voulait réduire les, ouais, impôts, il voulait augmenter considérablement le budget militaire. Ça, on pourra en parler. On va en parler dans quelques minutes. Ce qui est intéressant, en revanche, sur les questions féminines mais sociales, c'est qu'il va beaucoup... Au fond, il n'ira pas aussi loin. En campagne, il courtise cet électorat. Oui, ça va être là, absolument. Ouais. Mais une fois président, il est parfaitement conscient que c'est bien beau s'attaquer aux dépenses de l'État, mais il y a des acquis. Il y a des acquis qui sont incontournables. Il ne peut pas revenir sur les pensions de vieillesse. Il, ouais, ne peut pas revenir sur les pensions aux soldats retraités. Il ne peut pas revenir sur le Medicare, qui est les services de soins médicaux, ouais, aux 65 ans plus. Mais il va s'en prendre vraiment aux programmes qui touchent particulièrement les minorités. Il va s'en prendre au programme qui, par exemple, le financement des repas, ouais, à l'école. Des trucs qui font pas trop mal, exactement, pour lui électoralement. Mais... Et puis au début de sa présidence, il y aura, très très tôt après le début de sa présidence, après qu'il soit élu, il y aura ceci. André Champagne, que se passe-t-il le 30 mars 1981? Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est le tentative d'assassinat commis par le jeune Inclay, qui était un jeune un peu perdu, qui voulait impressionné l'actrice Jodie Foster. Il la harcelait depuis des mois. Il était désespéré. Il voulait absolument entrer en contact avec elle. Il s'est dit la seule façon d'attirer son attention, c'est de tenter de tuer le président des États-Unis. Et Reagan, miraculeusement, va survivre à cet attentat-là. Et le résultat de ça, c'est qu'il va croire que Dieu l'a protégé pour une mission à accomplir éventuellement. Et cette intuition qu'il a ce jour-là lui sera confirmée par Sœur Teresa, qui ira le voir quelques semaines plus tard à la Maison-Blanche et qui va lui dire « Ronald Reagan, Dieu t'a protégé pour une mission supérieure. » Alors, puisque Dieu est de son côté, puisque son capital de sympathie augmente considérablement à la suite de cet attentat-là, il y va à fond sur cette réforme, cette révolution Reagan, la révolution économique. Qui est d'abord et avant tout une réforme fiscale. Écoutez, la loi fiscale de 1981, alors réduction du taux maximum de taxation de 70 à 50, baisse de l'impôt sur le revenu de 25 en 3 ans, pendant que l'impôt sur les sociétés passe de 28 à 20. Elle est complétée en 1986, tenez-vous bien. Alors, la réforme fiscale de 86 réduit le nombre de tranches d'impôt de 14 à 2. Ouais. Alors, c'est soit 15 % soit 28 % Rappelez-vous que quand il était acteur, il payait 91 % de son revenu. Et instaure un taux de 34 % sur les sociétés. Alors, c'est un retour au niveau de taxation des années 20. Donc, les années d'avant la Grande Dépression. Le Reaganomics, c'est vraiment... c'est la réduction de la taille de l'État, la réduction des impôts, mais c'est aussi une attaque frontale contre le mouvement syndical. Oui. Et ce qui va vraiment symboliser ça... C'est hallucinant. C'est la fameuse grève des contrôleurs aériens du mois d'août 81. 13 000 personnes. 13 000 personnes seront congédiées. Mais attention, les contrôleurs aériens n'avaient pas le droit de grève parce que c'est un service essentiel. Et pourtant, les contrôleurs aériens, leur syndicat, avaient recommandé de voter pour Reagan en 80. Mais, étant donné la hausse du trafic aérien, pourquoi? Parce qu'on avait déréglementé le trafic aérien. Étant donné la hausse de leur quantité de travail, ils demandaient, eux, des ajustements salariaux, des réductions du temps de travail et tout. Et le gouvernement fédéral, leur employeur, refusait catégoriquement. Alors, ils décident de faire une grève. Reagan fait une déclaration à la télévision nationale un dimanche soir en leur disant « Si dans 48 heures vous n'êtes pas retourné au travail, nous allons vous congédier. » Et le syndicat, lui, ne croit pas à cette menace de congédiement parce qu'il se dit « Nous sommes essentiels. Si nous ne travaillons pas, il n'y a pas de trafic aérien aux États-Unis. » Ce que Reagan avait organisé déjà, c'est qu'il avait mobilisé les contrôleurs aériens de l'armée de l'air pour les remplacer et il avait fait un arrangement avec les compagnies aériennes pour réduire la circulation temporairement. Ouais. Il est tellement anti-syndicat que le taux de syndicalisation aux États-Unis va passer de 24 % en 1979 à 17 % en 1987. Et puis, ce sera le début. André, on va écouter un extrait d'une revue de fin d'année de 82 animée par Bernard de Rome. Mais le début de la Reaganomics, ça marche pas du tout. Ça va marcher plus tard. Mais au début, écoutez Bernard de Rome, c'est la catastrophe parce que il augmente les dépenses militaires, il réduit dans les dépenses sociales, il réduit les impôts, et c'est le déficit qui grossit, le chômage qui explose. Écoutez cet extrait de cette revue de 82 animée par Bernard de Rome. Aux États-Unis, le chômage, jumelé aux réductions de l'aide sociale décrétées par l'administration Reagan, réduisent à la mendicité plus de 30 millions d'Américains. Qui blâmer? Curieusement, en l'absence d'un bouc émissaire, la colère fait place à la résignation. C'est la faute à la crise. Pour les gouvernements des nations industrialisées, le bouc émissaire, c'est la politique monétariste de Ronald Reagan. Puisqu'il faut bien pointer du doigt un responsable, c'est une fois de plus vers les États-Unis qu'on se tourne. Je suis convaincu qu'aucun geste ne contribuerait plus à la restauration de la confiance internationale qu'un déclin des taux d'intérêt qui pourrait découler d'une politique budgétaire américaine annonçant des déficits réduits. L'ancien premier ministre canadien à l'époque, Pierre Trudeau, qui n'apprécie pas beaucoup cette Reaganomics, qui vraiment, au début, ne fonctionne pas. Mais je l'évoquais au tout début, le président Teflon, c'est formidable. Il passe une crise économique écoutez, c'est fou ce que les Américains vivent. C'est la faute de la crise. Oui, et pourquoi? Parce que ses talents de communicateur font en sorte que quelque part, les gens le croient. Mais attention, là. Président Teflon, oui, mais surtout en matière de politique étrangère, on verra ça dans une autre émission. Mais ce qui va se produire, c'est que, oui, effectivement, les deux premières années sont catastrophiques. Mais l'économie redémarre autour de l'été 1983. Et là, il y aura, l'économie américaine sera en croissance continue jusqu'à la fin de son mandat. Mais, pour vous donner une idée de l'impact de ces deux premières années, il y a une compagnie du Milwaukee qui avait annoncé qu'elle allait embaucher 200 personnes. Et il y a 20 000 chômeurs qui se sont présentés pour appliquer sur ces 200 emplois-là. Ça avait fait la manchette de tous les bulletins de nouvelles américains à l'époque. Puis même dans les documentaires sur Reagan, on voit cet événement-là. Mais c'est clair qu'effectivement, il savait que les deux premières années allaient être catastrophiques. Mais pas à ce point-là. Et c'était tellement inquiétant pour lui que Nancy Reagan dira à des amis au début de 1983 qu'ils ne sont pas sûrs s'il va solliciter un deuxième mandat. Ah ouais. Mais c'est la reprise économique à partir de l'été 83 qui va faire. Et là, vraiment, l'impact de la lutte contre l'inflation, soit dit en passant, la lutte contre l'inflation avait été orchestrée par le président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, qui avait été nommé en 78 par Jimmy Carter, qui lui était un disciple de Friedman et qui avait comme hypothèse qu'il fallait réduire la circulation monétaire, hausser les taux d'intérêt pour justement entraîner ça. Mais ce qui va être emblématique de l'époque de Reagan, oui, il y aura énormément de création d'emplois entre 83 et 88. Et ce seront des mec jobs, des emplois vraiment au salaire minimum, parce que sous Reagan, de 80 à 88, c'est 2 millions d'emplois industriels qui sont disparus aux États-Unis, des emplois bien payés avec des avantages sociaux. Et la Reagan Economics, c'est justement le début de cette économie vraiment où on génère des emplois à salaire minimum pour l'ensemble des travailleurs manuels, des gens qui sont peu éduqués. Et c'est aussi une croissance économique qui profite aux plus riches. Aux plus riches, c'est le fameux 1% qui va s'enrichir. C'est le début des Golden Boys. Exactement. Et le plus bel exemple, c'est le film Wall Street avec Michael Douglas, où rappelez-vous cette citation qui est passée à l'histoire, « Greed is good », donc l'avidité, c'est bon. Et qui est-il dans ce film-là, Michael Douglas? Il est le fameux Ivan Boesky, qui était un des Golden Boys de Wall Street, qui va finir en prison tellement il avait profité de la déréglementation de l'industrie financière. Et la financiarisation de l'économie américaine, c'est un phénomène qui commence justement à l'époque de Reagan. Et Reagan, c'est un peu comme Margaret Thatcher. Pour eux, l'État n'était pas la solution, l'État était le problème. Et pour Reagan, la formule était très simple. Le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement qui gouverne le moins possible. André Champagne, rendez-vous est pris pour une deuxième émission sur Reagan, la politique étrangère, ça va être aussi fascinant. Historien, ami de l'émission, merci beaucoup André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Mathieu Arsenault, à la technique Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.